même jour sur ma vie que je meurs pour elle. Respect là on m'a dit, fais tout pour elle. Oui tout pour elle, moi je vole sous ses ailes. Et quand je fais le tour moi, elle fait tout pour moi. Quand même quand elle me parle, je fais le tour moi. Elle m'a donné la ville, j'ai rempli le frigo. Sorti du commissariat, je l'ai vu compris que j'ai fait l'idiot. Quand je te vois moi j'ai des douleurs. Drôle de life, chic, t'en as vu de toutes les couleurs. Maman, maman, ça me fait peur quand j'ai tout ce que l'amour nous attend. Je vais essayer de gâter, ma chance je vais pas la rater. Je t'aime fort même si des fois j'ai du mal à te faire un gâter. Désolé si je me suis fait inciter. Je sais que ça te fait peur de me voir traîner dans la cité. Et pour papa, c'est pas grave, je vous aime pareil. J'en ai là, là. Quand t'as des parents, profite à mon ami. J'ai placé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais, ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais, ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais, ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Et toi petit frère, gâche pas ta vie. Je sais que t'es rentré, j'en suis pas ravi. Des fois j'pars la nuit, alcool j'évite les ravins. J'ai la boule au ventre quand j'rentre le matin. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'en aller. J'aime quand tu dors près de moi, j'aime te voir et t'entendre aller. J'suis pas le compte frère, j'crois dans du compte libère. J'suis pour ton père, faudra s'y faire. Fais gaffe avec qui tu traînes, la vie c'est pas un jeu. Fais gaffe où tu traînes, j'aimerais t'arrêter un peu. Rien qu'un peu, ouais, rien qu'un peu. Parce que je sens que les cifs guettent plus qu'un peu. Si un jour je fais des sous, je vous emmène loin d'ici. Pour l'instant je me saoule en attendant un signe. Je peux oublier, on se frappait, maman criait. L'absence du dard ça nous a lié. Maintenant on peut s'y aller. J'ai passé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Dans la merde.